On lance le missile, scud, vinyle, vinyle, bluff ici. C'est le temps des futuristiques. Nubi attaque, les MC ravalent leur salive. Leur sarim salisse ma charge, ils sont pas à leur place. Comme les cafards qui squattent dans mon placard. Pourquoi vouloir la gloire? J'ai décidé de viser haut et de faire des vidéos pour exprimer mes idéaux, négro, les cités. Mes idéaux de paix et d'unité à travers des vers purs comme l'air. En vérité, j'y crois dur comme fer. C'est les futuristiques, monte le son de ton ghetto blaster. Sans balles, sans blague, calibre de bandits, des boules, ban, n'aie pas peur. Si la sono explose, c'est comme ça tout le temps. Si c'est chrono qui pose, Libye est pas loin, alors full camp. Et passe le microphone que je laisse partir. La vibe partir, laisse le microphone. Mon flow sera la nouvelle vague, la nouvelle seringue. Drogue-toi au futuristique, le faux ça chlingue. Rap pas de pisse, alors dehors ça se flingue. On croque ta stéréo quand on y sera pour rester au sommet. Celui qui enchaîne, qui a rien vécu, qui parle de sa mère. Des frères du hip-hop, c'est pas ton trip, stop direct. Tu rap pour le fric, faut te baiser. Ma gamin sera là pour te baiser. Si tu sens que ça tape, c'est parce qu'on rap comme on le sent. Et si tu ressens la vibe, c'est parce qu'on a ça dans le sang. On blague pas, on lâche la balle, on boule Paris. Avec un grave débit. Mon groupe est en avance sur son temps depuis longtemps. Et c'est en surmontant les obstacles qu'on se prend notre place. On a trop de classe pour ces enfoirés. Les enragés veulent engager un rapport de force. Ils subissent Nubi, le rappeur de choc. Le palpeur de froc, j'ai pas peur de fox. Ces bâtards de cop, j'suis grave de spi. Crash sur les stups et fume un fat, feu split. Mes yeux splissent mais j'suis pas KO. Tiens-toi à carreau devant mon punk, sur David Macao. Alias Chrono, le tonton flingueur. On extermine les vermines qui ternissent le move. Et joue les trompes à fils. Ça contre à nous, on pisse sur mon bras. On a des textes précis comme un tireur d'élite. On milite au port du temps, on nique la vie à chaque minute. Chez qui lutte, qui glande, qui bande son son, qui se fait des couilles en or sur ma gueule, fils de pute. Tu sais pourquoi je t'insulte? Rap de caille, je m'en bats les couilles, tu me testes, t'as pas le calibre. Négro écoute, approche ta poche, capte dans le cerveau, ça vibre. La pression monte comme avant d'éjaculer. Les faux évacués, le flow est calculé. Yeah, c'est chaud pour te matriculer. Je nique la vie comme je niquais mon ex la dernière fois. Crache aussi vite qu'un flingue quand tu pèses quelqu'un la première fois. Je lâche un style violent comme c'est dehors. R-O-N-O et Nubi, et n'oublie pas les prochains disques d'or. Si tu sens que ça tape, c'est parce qu'on rappe comme on le sent. Et si tu ressens la vibe, c'est parce qu'on a ça dans le sang. On blague pas, on lâche le napalm, on brûle Paris. Avec des textes crus, le trap débit, tout signé. Oh, si tu sens que ça tape, c'est parce qu'on rappe comme on le sent. Et si tu ressens la vibe, c'est parce qu'on a ça dans le sang. On blague pas, on lâche le napalm, on brûle Paris. Avec des textes crus, le trap débit, tout signé. Oh, Nubi. On brûle la capitale, ce qu'on veut c'est le gros lot. Attendre 50 piges c'est trop long, c'est un attentat signé chrono. Profitons-en pendant qu'on est en position dominante. En possession de nos moyens, marche souvent mes frères, je vois bien. Si tu rap pour la rime, rapporte ta rhum. Au lieu de niquer les tiens, shoot les traites comme les flics se shoot quand ils sont en chien. Y'a pas de sud et nord, on croise tout le reste. J'ai la rage, mon frère, mets-toi à la page. Dans le monde entier, on nous respecte. Écoute la vibe, on a des bas de face. Classe dans les passe-passe. On frappe en vitesse, passe en finesse. Comme avec une tatasse. On dit les faits, ça fait l'effet d'une bombe sur Nampa. On sort de l'ombre, on lâche le napalm. On mérite la palme d'or du festival des métaphores en rafale. J'ai calé, c'est cool. Pour blesser tous les fous qui parlent mal. Les fils à papa jouent les Kaira. Les langues de pute à vendre des flûtes et vendre des tubes pendant que les purs vaillera. Pas d'ultimatum. On lance l'ultime assaut comme G.I. Joe. Chrono, Nubi, Nubi, Chrono. Négro du maquillage le flow. Oh, les comment, mais comment, je vois que t'as pas prévenu tes sauces. Les loses de mon poisson, des têtes brûlées. Si tu sens que ça tape, c'est parce qu'on rappe comme on le sent. Et si tu ressens la vibe, c'est parce qu'on a ça dans le sang. On blague pas, on lâche le napalm, on brûle Paris. Avec des textes crus, on trappe des billes, tout signé. Chrono, Nubi. Si tu sens que ça tape, c'est parce qu'on rappe comme on le sent. Et si tu ressens la vibe, c'est parce qu'on a ça dans le sang. On blague pas, on lâche le napalm, on brûle Paris. Avec des textes crus, on trappe des billes, tout signé. Chrono, Nubi. Si tu sens que ça tape, c'est parce que c'est du chrono. Et si tu ressens la vibe, c'est parce que c'est du Nubi. S'il y a plus que dans ton poste, c'est parce qu'on froisse à sonneau. Et si le son qui est d'avant, c'est parce que c'est du Nubi. Yes.